Salut Zaxro, c'est le Big Ben. Antithèse. Et Marie-Lune. Pour le podcast de l'animation, des Zaxros de l'animation, votre podcast est mensuel. Ouais, mensuel, excusez-moi, je me suis mélangé. Mensuel d'animation, que ça peut être de l'animation japonaise, de l'animation télévisuelle ou même de l'animation de film. On est rendu au deuxième épisode de notre fameux podcast et on va vous parler cette semaine d'une série que je pense que tout le monde aime et qu'on a vraiment envie de vous jaser. C'est ça le problème, c'est que tout le monde l'aime, tout le monde en veut plus. Mais ça, on va en parler plus tard, du fait que tout le monde en veut plus. On parle de quelle animation? Oh, on parle de la fameuse série La Clique, version originale de Undergrads, du créateur Pete Williams, qui est sorti en 2001 sur les ondes de Télétoon ainsi que sur MTV aux États-Unis. Pour nous, c'est une série qui est culte, totalement. Oui, très très culte. C'est une série que tout le monde continue à écouter et que même Télétoon, après plus de 10 ans de programmation, le met toujours dans sa chaîne horaire. Puis je parle pas de Télétoon rétro, je parle de Télétoon normal. Exactement. Alors, c'est sans dire long sur l'effet qu'a l'émission sur le public. Cependant, c'est aussi important de noter que Undergrad est plus populaire envers le public canadien que le public américain. Effectivement, oui, la série a été plus populaire ici au Canada qu'aux États-Unis. MTV avait des cotes plutôt mauvaises, ainsi que les critiques étaient plutôt mitigées. Tandis qu'ici au Canada, ben les critiques sont très bonnes, puis la série est toujours diffusée après plus de 10 ans. Et pourtant, il y a juste une saison qui est disponible. Ouais. Alors. Et c'est pas une intervention. Pourtant, aux États-Unis, il y a une espèce de culte pour Undergrads. Ça, je suis pas au courant, je t'avoue. Il y a une espèce de culte. C'est sûr que c'est juste plus apparent au Canada. Mm-hmm. Mais reste qu'il y a un culte quand même respectable aux États-Unis. C'est juste que celui-ci est ignoré parce que, bon, les Américains ont plus tendance à croire les « en guillemets » soi-disant chiffres que la voix du public. Effectivement, oui. J'aimerais entendre d'abord un petit résumé, puis je vais laisser Marie-Lune s'en occuper pour cette fois-ci. Marie-Lune va nous résumer un petit peu c'est quoi cette série-là finalement. En gros, ben c'est pas très compliqué. C'est quatre amis d'enfance qui se connaissent depuis la pré-maternelle, puis tout ça, qui ont vécu ensemble, qui ont grandi ensemble, qui se retrouvent un peu, entre guillemets, séparés par l'université. Donc, ils font, même qu'on voit dans le premier épisode, qu'ils font leurs adieux parce qu'ils sont même pas dans les mêmes dortoirs et tout ça. Donc, c'est ça. Puis c'est de vivre sans les autres qui semble être difficile. Mais on se rend vite compte qu'ils sont tout le temps ensemble pareil, tu sais. Et ils vont vivre également des situations rocambolesques au courant de leur année de l'université qu'on suit ensemble. Puis ils essayent de survivre à l'université, c'est surtout ça, puis à la vie sociale de l'université. Parce que c'est totalement différent, on s'entend que c'est, toi PA, tu peux le dire aussi, puis Marie-Lune, le cégep, pour nous, ça change une vie, là. Ah! Seigneur, oh que oui. Je dirais que c'est surtout au cégep que j'ai eu le plus de fun au sein d'une académie. C'est le cégep que j'ai vu enfin. Les gens sont encore ticounes à 16-17 ans. Soudainement, les gens sont adultes à 17-18 ans. C'est drôle, c'est bizarre comme analogie, mais c'est ça pareil, et c'est mon expérience que j'ai vécue quand je suis passé de l'école secondaire Le Tendre à le cégep Montmorency. On passe avec des jeunes baveux bully du secondaire, et là, quand on arrive au cégep, finalement, paf, on change complètement de mentalité. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Moi, c'est parce que je suis rentré tard à l'université, au cégep. Moi, je suis rentré, j'avais 20 ans, 21 ans. Fait que Ah, j'étais un des plus vieux de mon premier programme, parce que j'en ai fait deux. Fait que tu sais, je peux pas vraiment juger là-dessus, mais je peux te dire une chose, c'est que cette série-là montre un peu plus le côté quand tu es geek finalement. Comment tu vis ton université en étant geek? et en étant pas dans la masse aussi. Tout à En fait. étant différent de la masse des étudiants de cette place-là, là, tu sais. Ben, c'est ça, t'as quatre personnages, fait que t'as quatre, soit quatre stéréotypes. Tout à fait. On va commencer, on va décrire un petit peu les personnages principaux, on va discuter de chacun des personnages, puis on va parler également des personnages de soutien qui viennent compléter le quatuor finalement. On va commencer par le personnage principal qui s'appelle Nitz. Ouais, Neat Walsh. Nit Waltz, excuse-moi, je viens de scraper son nom en plus, mais c'est pas plus grave. Ben cette Il a un nom très scrappable Oui, aussi, là. oui, oui. Ils ont dit dans le premier épisode pourquoi qu'il y avait un surnom. Mais Nit, c'est un surnom, mais on l'a jamais su pourquoi qu'il y a eu ce surnom-là. Et ben c'est un gars qui est très gêné, pas bien ben de confiance en lui. Puis son but quasiment là d'être à l'université là, ok, c'est pas d'avoir son diplôme ou quoi que ce soit, c'est de closer la belle jeune rousse du nom de Kimmy. Amy Burton. Kimmy Burton, Qui oui. se fout carrément de lui quand... C'est pas tant que ça au quand même début du lui, moins. c'est même pas, c'est plus nono que ça. C'est plus son bouche-trou. Puis encore, elle s'en rend pas compte elle-même. C'est ça qui est le Effectivement. plus insultant. Parce que pour elle, ben pour, on dirait que c'est comme son meilleur ami gay sans qu'il soit gay. C'est ça que je voyais, moi. Ce qui va être ironique, mais bon, ça. Le pire, on va en parler plus tard, c'est qu'elle Ouais, c'est tripe sur un gay. Tu sais, comme la situation est vraiment totalement réversible, là, c'est en une là-dessus, là. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce personnage-là, de Nitz? Pour vous, est-ce que c'est un bon personnage principal? C'est-tu quelqu'un qui permet de vraiment tenir la colle entre tous les autres personnages? Ben, c'est parce que vu que c'est lui qui s'adonne à résoudre tous les problèmes des niaiseries des autres, la réponse est définitivement oui. Je devrais mettre comme commentaire que sinon, Nice est en même temps très plate, mais l'avantage qu'il soit plate au départ permet au spectateur de voir son évolution plus facilement au cours des 13 épisodes. Il y a 13 Marie, épisodes, hein? Marie-toi de ton côté. Moi, personnellement, oui, je trouve que c'est un bon. Mais dans le fond, c'est lui qui est narrateur des histoires de tout le monde. Fait que, veux, veux pas, c'est sûr que c'est pas le personnage qui a le plus. Qui a le plus de piquant parmi toute la gang, là. Mais je dirais que c'est celui qui est un peu le plus rationnel de la gang. Très souvent. C'est le plus terre à terre. Le plus terre à terre, celui qui va comme calmer les ardeurs de tout le monde. C'est assez, ben, c'est un bon personnage, mais personnellement, c'est pas mon préféré. Et je vais vous dire pourquoi plus tard. Oh, beaucoup de surprises dans ce podcast. Pour ce qui est de moi, je trouve que c'est un personnage qui ressemble un peu à tout le monde. C'est vrai, hein? Dans la plupart de nous, il y a chacun une petite partie de nous, ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui est. Ben, pour ce qui est des geeks, en tout cas, moi, je m'identifie plus à lui comme personnage parce que c'est le gars qui reste discret, mais qui vit beaucoup de choses en dedans de lui. Veux pas, il y a du stress pour l'argent, il y a du stress pour. Il va-tu réussir à sortir avec Kimi un jour? Va-tu être capable de dire qu'il l'aime? Essayer de tenir l'amitié avec ses anciens amis, mais aussi ses nouveaux amis, parce que là, il se fait des amis au cours de ce show-là. Oui. Au cours de cette saison-là. Et c'est vraiment de voir tout dealer dans ces 13 épisodes-là comme si comme ce serait chacun de nous. Sérieusement, c'est ce qu'on vivrait là. Des fortes chances, oui. Si c'est pas déjà fait. C'est ça, mais t'sais, pour si on se met à sa place, on vivrait pas la même affaire, on se demanderait qu'est-ce qui ce serait. Je vais laisser PL, ça va être à ton tour de parler de Rocco. Ah, Rocco. Rocco, qui est un personnage assez flyé, merci. Actuellement, pour pas te contredire, je dirais pas que je ne qualifierais pas Rocco de flyer. Moi, plus qualifier de Rocco comme étant le jock. Vous voulez savoir c'est quoi un jock? un gars qui est bière, fraternité, sexe. Pense qu'il est hot, mais il ne l'est vraiment pas. Non. Il est masculin, full macho, mais il se pense dans les années 60-70 dans les Greasers, puis pourtant, non, pour mettre dans le contexte de l'émission, on est dans les années 2000, on est à l'aube du début du nouveau millénaire. Alors, c'est ça, Rocco. C'est quelqu'un qui est très en retard dans son temps mentalement, mais c'est ça qui en fait un personnage assez attachant. C'est le fait qu'il y a en même temps tellement de gags qu'on peut faire sur sa personne. Finalement, il est un petit peu le souffre-douleur sans que lui-même s'en rende compte, parce qu'il se passe tellement au-dessus de tout. C'est le seul, dans le fond, qui croit qu'il est un gagnant. C'est, dans le fond, Rocco, c'est un loser. C'est totalement un loser, puis on dirait qu'il a l'impression que tout le monde l'aime. Surtout que tout le monde l'aime, mais finalement, personne ne l'aime, là, ce gars-là. Là. Mis à part ses trois amis, c'est vraiment... Ses trois amis le tolèrent. Cal, c'est notre histoire, mais ça, quand on se rend à Cal, on en parlera. Moi, il y a juste un mot qui pourrait résumer Rocco. C'est le boulet de tout le monde. Attention, ça vient d'une femme. Alors, question à Marilyn. Est-ce que Rocco te répulse? C'est pas mon genre de gars. Et voilà, la preuve est faite. Mais c'est le genre de gars, t'as raison là-dessus, Marie, c'est vraiment un boulet, c'est quelqu'un que le monde est pas capable d'endurer, puis c'est quelqu'un qui, ils veulent pas l'avoir à côté de lui, mais on dirait que ses trois amis le gardent, à part Cal, ils le gardent simplement par pitié, dans un sens. Ouais, mais c'est... Ouais, exactement, j'ai perdu mon mot, yay! Il a tellement une forte personnalité, par exemple. C'est ce qui fait qu'il est très différent de Cal. Moi, je trouve qu'il a une plus grosse personnalité que Cal, dans un sens. Bon, on va aller directement à Cal, parce que Cal, c'est totalement le contraire de Rocco. C'est un gars pas bien intelligent. Vraiment pas. Qui est très, très zen, très relax, beau garçon, ça a de l'air, et qui attire toutes les filles de l'université. Toutes. Et même ailleurs. Et même les professeurs. Ouais. Ça, c'est fou. Cal, c'est vraiment, pour moi, là, Rocco et Cal, c'est vraiment le yin et le yang. Ils sont totalement l'opposé l'un l'autre, mais ils ont besoin des deux pour que ça marche ensemble. C'est pour dans ça ce show-là. C'est leur ami, Rocco. C'est ça, c'est vraiment le contraire, puis il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble pour que la chimie marche. Parce qu'il y a un épisode à m'amener où Cal et Rocco, c'est quasiment la haine entre Rocco et Cal, puis il n'arrête pas de le frapper, puis tout ça. Mais tu vois que Cal, il est tellement gentil, il fera jamais de mal à Rocco. Une mouche va lui faire mal avant que lui fasse mal à une mouche. En effet. Tout à fait. Toi, ton impression là-dessus, Marie, de Cal, qu'est-ce que tu penses de ce personnage-là? J'apprécie le personnage comme tel. Il y a juste une affaire que j'ai vraiment pas appréciée. C'est la voix traduite de Cal. Je sais pas pourquoi, mais moi, elle m'énerve, cette voix-là. C'est une voix juste trop aiguë. Moi, je fais comme... Ah, j'ai juste le goût de le fesser à cause de sa voix. C'est con à dire, mais c'est vraiment ça. Mais le personnage comme tel, je l'apprécie parce qu'il est attachant dans sa stupidité. C'est pour ça que je l'apprécie. Voyons, Marie! Je suis un machin mec sympa! N'est-ce pas, vieux? Moi, le pire, c'est que je suis sûr que je serais capable d'essayer d'avoir une entrevue avec ce gars-là. Parce que c'est un Québécois qui fait sa voix. Ah, je suis sûr qu'on pourrait essayer quelque chose d'avoir les anciens acteurs. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant de jaser avec eux. Absolument. Parce que la plupart qui sont dans cette série-là font partie des Simpsons. Voyons donc. Mais oui, le personnage qui fait Cal, justement, c'est lui qui fait la voix de Jimbo dans les Simpsons. Deux personnages complètement différents, hein, on s'entend? Hey Bart, donne-moi ton argent! Tu sais, c'est vraiment, là, ils font vraiment le contraire. Puis je vous conseille d'aller voir il y a un documentaire sur TAC Télé qui parle des personnes qui donnent des voix au Québec. Puis le gars fait la voix de Cal et il fait la voix de Jimbo dans le même show. Puis c'est totalement hilarant. Oh wow. Alors, non, ce serait quelque chose à voir, à essayer peut-être d'avoir pour en Ouais. jaser ensemble. Mais Okay. toi, de ton côté, Antithèse, qu'est-ce que tu penses de Cal? Cal, il me fait rire. Mais en même temps, dans la vraie vie, il me taperait sur les nerfs. Il me taperait sur les nerfs pour deux raisons. Il me taperait sur les nerfs pour sa personnalité vide. Il me taperait sur les nerfs pour à quel point il pogne les filles. Je serais jaloux de Cal s'il était Tout à fait. existant. Ah, oh, je suis d'accord avec toi. Et le pire, en fait, c'est quoi? Non, j'allais dire le pire, mais je vais attendre après qu'on ait fait le tour des quatre personnages principaux pour vendre un punch que je pense que vous savez, mais je suis pas sûr que les gens qui nous écoutent le savent forcément. Je sais, je suis très cryptique à soir, là, je suis désolé. On va laisser Marie parler. Parce que, en fait, moi, ce que pour ajouter un peu à ce que tu disais, comme quoi il te tapait ses nerfs parce qu'il pogne toutes les filles, mais il faut absolument rien en plus pour les pogner, ces filles-là. On ne voit pas faire d'efforts pour rien faire. Est-ce que tu comprendrais pourquoi que je serais jaloux? Et là, je m'exprime au conditionnel. Je serais jaloux de Cal. Je n'ai pas peur d'admettre que si Cal était à côté de moi, ben, je serais comme Rocco. Je vais vouloir lui casser la gueule. Par pure jalousie. Bon, Ouais, j'avais mais pourtant, il ceci. est tellement stupide. On comprendra jamais ce qu'il y a dans l'intérieur de la tête de ces filles-là pour pouvoir, à part qu'il était cute, là, Il est entre blond, il a des guillemets, yeux bleus, cute. puis il s'entretient quand même bien. T'sais. Je veux dire, on se fie à le modèle du personnage. Plus, ben écoute, il étudiait en. Son choix d'études, c'était les arts dramatiques. Alors, était dans l'émission que le cours d'art dramatique, c'était surtout peuplé de la gente Belle féminine. fille. Mais, oh, je vais y aller. Mais vas-y, Marie. Ah, ok, je pensais que tu voulais rajouter un autre mot là-dessus. Alors, ben, on va. Aller, moi, de mon côté, Cal, c'est comme je disais, c'est vraiment un personnage qui est très, très vide, mais qui a besoin de Rocco, puis qui a besoin des autres pour que ça soit un personnage intéressant. On va aller finir dans nos quatre amis avec le plus flyé. Vraiment, vraiment flyé de la gang, Gimpy. Ah oui. Et je pense que je Oh vais yeah. laisser l'honneur à PL, vu que c'est notre plus grand geek sur le site, de Qui nous en ça? parler. Qui ça qui est le plus grand geek sur Toi! notre site? Non, pas en tout, comparé à toi, Ben, je suis un amateur, je te ferai Ah, remarquer. t'es quand même un des plus grands fans de BD que je connaisse. Ben, BD, oui, mais geek en tant que tel, écoute, c'est pas moi qui anticipe 700 jeux vidéo chez nous. J'en ai pas 600, mais en tout cas, on va voir quand on finit par la Désolé. collection. Oui, quand on se sent ça. Mais bon, Gimpy, ah, oh, Gimpy. Juste pensé à lui, puis je pars à rire. Et c'est très normal. Gimpy, c'est à l'image de ce que les gens voient, perçoivent du stéréotype geek, mais vraiment geek à fond. Le gars, pour assumer sa geekness, bon, il sort jamais de sa chambre, il a des ordres de fou avec, je pense quasiment que 4 ou 5 écrans. Soit en passant, c'est lui, Big Brother, c'est tellement qu'il y a d'écran. Sans compter qu'il y a. Mais il va jusqu'à s'exprimer en langage informatique. C'est Des un. fois. Et c'est un fan de Star Trek. Non, Star Wars. Bon point, Star Wars. Tu viens de te Et plus tard, tromper. je viens de me tromper. Je pensais à Star Trek parce que. Je pensais à Star Trek parce que je pensais justement à l'épisode où c'est que son université, il passe du. Parle de Star Wars au côté obscur qui est Star Trek. On va aller laisser Marie donner son avis sur. Une petite blague aux Trekkies en passant. Ouais. Très plate. Alors, Marie Gimpy, qu'est-ce que tu penses de lui? J'adore Gimpy, À sérieusement. vous. Je l'adore. Moi, il me fait penser un peu, je le compare à Lex Luthor, mais en 10 fois million moins méchant. Il y a sa petite gang qui fait tout pour lui, qui va même espionner ses amis pendant que lui reste dans son petit KGB. OK? Ça me fait vraiment penser à ça. Mais il est vraiment, vraiment trop hot, là. T'sais, il est vraiment hyper intelligent, surtout pour pouvoir avoir le contrôle sur autant d'informatique, de savoir, juste savoir que les trois autres amis sont dans leur chambre d'université, puis ils se connectent direct dans l'écran, puis oui, ils participent à la conversation, là. De cette façon-là, ouais. Sans compter, vas-y. Sérieusement, je le trouve vraiment flyé, mais vraiment très, très, très, très stéréotypé du geek, là. Ah ouais, c'est vraiment stéréotypé à tour de bras, là. Mais tu sais, dans un sens, il faut qu'on se mette à l'idée que la série était quand même tirée de faits vécus que Pete Williams a vécu. La Alors, plupart des gens. Oui, vas-y. la plupart des personnages sont une certaine facette, on peut dire. Fait que tu sais, il a peut-être juste grossi le caractère d'un des personnages qui était un de ses chums auparavant, là. Fait que peut-être qu'il était de même, mais en moins épais. Mais Ben selon moi, même. ça donne le côté comique quand même de la série grâce à Gimpy, là. Absolument. Avec ses passions pour Star Wars et qui déteste Star Trek, puis que il veut son rêve là, son fantasme serait de coucher avec Dana Scully de X-Files. C'est vraiment Ou quelque la chose. princesse Amidala dans Star Wars. Amidala? Je pensais que Aïe. c'était Léa. Non, c'est Amidala. Quand Ah, ok. c'est. Ben, Techniquement. vu que Phantom Menace est sorti après en même temps que Ouais. Undergrads, ben, fallait que ce soit quand même révélant, tu sais. Moi, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est pour ça que dans je pense le deuxième épisode, justement, ça, voilà à quel point que je connais quand même bien la série. T'sais, je me rappelle que c'est le deuxième épisode aussi que l'introduction, c'est Nils fait un rêve érotique, ben, pseudo-érotique. Gimpy aussi. Je pense que Même c'est les quatre. tout le monde font des rêves érotiques, c'est juste que le punchline c'est Rocco avec Keanu Reeves Cal. et Cal. Et Cal, son rêve érotique c'est rien pantoute. C'est C'est le joli plafond. un joli plafond. Joli plafond, vieux! Oh my God. Sinon, on va aller avec les personnages secondaires rapidement. On va en parler de trois. On va d'abord parler de Jessie, Ah, merci. qui est la punkette du groupe, ben, je dis des amis à Nitz. Adit, ouais. Elle, c'est. Moi, je vais en parler un peu rapidement, cette fille-là. C'est un petit peu elle, la fille qui ramène Nitz à terre. C'est celle qui va dire, hey, regarde, là, si tu fais ça, tu vas être cave, là. T'sais? Bon. Elle a pas beaucoup de temps dans la série. Mais on peut-tu dire qu'elle a une présence pis d'aplomb? Oh oui. C'est que ça reste un très beau personnage, Jesse. Tout à fait. Je vois. Puis. Je vais laisser Marie parler, comme ça on va continuer. Vu que c'est ton côté féminin. Parle-nous de ton côté féminin là-dessus, Marie. Tu sais quoi? C'est elle mon personnage préféré. Parce Ouh. qu'elle a. Elle n'a pas nécessairement. Oui, elle n'a pas une grosse présence, mais c'est celle qui est la plus directe avec Nitz. C'est elle qui va vraiment dire: regarde, t'es cave si tu fais ça. Si tu fais ça, c'est sûr que l'université au complet te verra plus. Ou quand il y a une situation que Nice, mettons, oh, j'ai fait une espèce de grosse gaffe, elle fait comme, regarde, il y a genre 45 000 élèves là, sur le campus, personne ne va s'en rappeler demain matin, là. T'sais, c'est vraiment celle qui va péter la balloune à Nitz ou qui va lui faire réaliser bien des affaires. Mais c'est ma préférée, même si elle n'a pas beaucoup de temps, là. Je trouve qu'elle a une personnalité peut-être qui me ressemble un peu aussi, je dois l'avouer, mais je suis pas punkette comme elle. J'irai pas me être punk à ce point-là. T'es pas Pour aussi autant. sarcastique qu'elle non plus. Ouais. Mais remarque que je peux être sarcastique par bout, là, mais pas aussi intensément qu'elle. Ah, elle est intensément, effectivement. Puis, elle aussi, elle a quand même une chance d'être quasiment au même titre que Nice, d'être relativement développée. Et ce développement-là, à travers la série, ben, est construit pour un excellent punchline dans la finale Ouais. de Click. Ouais. Une belle finale d'ailleurs. Une très belle finale qui aurait pu donner une très bonne suite à la série. Pourtant, Pourtant. Mais toi, ton avis sur Jesse, qu'est-ce que t'en penses de elle? Moi, je dirais que moi, honnêtement, je verrais Jesse comme étant. T'as ça ferait d'être un gros choc. Mon genre de fille, sur certains points. Ok. Et ça, c'est considérant que je sais très bien que Trinity va m'écouter demain. Alors, ici j'ai Alors là, antithèse après avoir. Ben, je vais devoir sortir mon divan de psychologue à partir de demain ou. Non, sérieusement. Ça peut dire quand tu fais un fou de toi-même sur un podcast, mais bon, on a du fun. Non, c'est juste à faire. C'est juste que c'est. Ça franchit, en quelque part, ça franchit son bon sens et aussi le fait qu'elle, ça a partie du fait qu'elle s'arrête dans le miroir et elle dit au secondaire, c'est la petite fille toujours bien sage qui était pas capable de. Qui était toujours trop studieuse et qui était pas capable de pouvoir jouer une certaine liberté. Là, je suis au collège, là, je me change mon look. J'essaie d'adapter ma personnalité sur quelque chose que j'aimerais moi-même devenir. Ok. En tout Non, cas. c'est vraiment ça. Même qu'elle l'explique dans les premiers épisodes. En fait, c'est sa façon à elle de combattre son anxiété face au collège. Ok. Qu'elle soit sarcastique puis qu'elle soit quasiment I don't care about nothing. Moi, je vais dire que cette fille-là me fait penser sérieusement à une de mes amies du cégep qui s'appelle Catherine. Bonjour, Catherine. Je pense pas qu'elle nous écoute. C'est l'informatique et elle, ça faisait deux. Ah bon? Mais c'était une fille qui était très, très, très terre à terre, qui jasait beaucoup, puis que c'était le genre de fille vraiment, tu sais, elle faisait pas de rêve de fou. Elle était juste terre à terre. Elle faisait ce qu'elle avait à faire, puis tout ce qu'elle avait hâte, c'est que ça soit fini. Alors là-dessus, elle me fait beaucoup penser à elle, mais c'est une fille vraiment qui est là pour ramener Nid de sa terre, puis Oui. en même temps associer son groupe d'amis à celui de Nid aussi, parce qu'elle a ses propres amis, le gars qui sac tout le temps, le gars qui Dan. rit, ouais. Sinon, à part ça, il y en avait un autre, me semble. Brody, qui est le hyper vantard Ouais. qui prétend que Arnold Schwarzenegger va avoir le premier rôle de son film. Ouais. Puis, non, c'est ça. C'est ce genre de personnage-là qui est vraiment celle qui colle comme l'université au complet pour Nitz, finalement. Elle est toujours le lien entre Nitz puis l'université, puis Nitz et ses amis. Après ça, on va embarquer avec Kimmy Burton, l'amour fou de Nitz. Quel genre de personnage vous lui donnez, cette fille-là? Je vais y aller avec antithèse. Qu'est-ce que tu penses de cette fille-là? Ah, Kimmy Burton. Kimmy Burton, c'est justement la représentation et le stéréotype parfait de qu'est-ce qui arrive quand t'es un gars qui devient du jour au lendemain dans la zone d'amis. Okay. Qui du jour au lendemain, t'essaies d'avoir son attention, mais elle s'occupe, mais elle veut tellement trop bien faire. Elle veut tellement trop bien faire qu'elle est pas capable de voir, comme en anglais, de bigger picture. Elle est pas capable de voir c'est quoi qui se passe autour d'elle. Okay. Fait que Fait qu'elle c'est. elle est dans son monde finalement, c'est tout. Elle est tellement dans son monde que. Je sais pas si vous regardez de l'épisode où c'est. Ben, dans le fond, c'est la saison finale quasiment. Même pas, c'est l'avant-dernière. La clique joue à Risk. Oui. La gang joue à Risk et Kimmy veut que tout soit absolument parfait pour la fête qui se passe à son campus. Tout vire au bordel à cause d'un feu. Finalement. Ben, finalement, elle pense que c'est un désastre des plus totales. Mais au contraire. Au contraire, c'est le plus gros trip que les étudiants ont jamais eu de leur vie. Effectivement. À cause du chaos. Toi, Marie, qu'est-ce que tu penses de ce personnage-là? Moi, personnellement, je trouve que ça a l'air trop de la petite fille parfaite. Elle veut tout bien faire. Elle veut tout être Je la trouve trop parfaite, cette petite fille, ce personnage-là. Je sais pas pourquoi. Pas à la Mary Sue, mais quasiment. Comment je pourrais bien expliquer ça? Je sais pas. Elle est dans toutes les associations possibles. Elle est amie avec tout le monde tout le temps. Mais je vois pas qu'elle a une personnalité qui se démarque de toutes les autres filles qu'on côtoie dans les fonds, dans le fond de cet univers-là, tu sais. À part peut-être Jessie, qu'on voit un petit peu plus de personnalité, mais je trouve pas, ben, à part d'être un fantasme pour Nice, moi, sérieusement, Porte à rien elle finalement. m'apporte rien de plus dans ma vie, ce personnage-là. Écoute, tu parles d'un personnage qui s'est rendu compte qu'elle était en retard pour un séminaire sur la ponctualité. T'en dis long, quelque part. Ouais. Pour moi, c'est. Je compare Kimmy avec une fille qui se cherche elle-même. Je pense qu'elle se recherche dans ses amis, dans ses groupes, dans ses. Toutes les choses pour essayer de comprendre qui elle est, cette fille-là. Et selon moi, elle l'apprend juste à la fin, quasiment à la toute fin de la série. Bon, d'abord que son amour fou pour Mark, qui est le gars gay, ben, est impossible, que Mark ait un chum depuis bien longtemps, puis que ben, Nils tripe sur elle, puis tu sais, c'est comme la révélation, tout arrive à dernier épisode de la saison. Puis que c'est là qu'elle aurait pu commencer à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là. T'sais. Ouais. Ça y a pris une saison avant de comprendre, t'sais. Dommage qu'on n'a pas, on peut pas la suivre là-dessus. On va aller avec le dernier personnage. On va aller avec le bras droit de Gimpy qui s'appelle Mump. Ah, Qui est bon. un personnage. Oui. Qui est un personnage assez. Le souffre-douleur. Pour moi, c'est le souffre-douleur de Gimpy. Pauvre lui, sérieux. C'est le personnage qui reçoit les pires bêtises, qui fait tout pour faire plaisir à pas à maman, mais à Gimpy. C'est le personnage également qui peut-être peut changer de bord, parce qu'il veut pas m'emmener dans un des épisodes. Il change de bord, il s'en va vers le côté obscur de Star Trek, tout simplement parce qu'il veut suivre ses amis, on dirait. Il est pas fidèle. Mais c'est un personnage qui, comme selon moi, il est à la recherche d'une De vraie l'acceptation de amitié. Gepi ultimement. Oui, c'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses en titre de ce personnage-là? Oh, écoute, c'est un bon faire-valoir. C'est le faire-valoir que mérite Gimpy. Et son égo démesuré. Tout à Parce que oui, fait. Gimpy a un égo très démesuré. Puis toi, Marie, qu'est-ce que tu penses de lui? Moi, je l'adore, ce petit bonhomme-là. Même si ça paraît trop qu'il a besoin d'amis puis qu'il est prêt à tout faire pour avoir une amitié solide, moi, il me fait un peu pitié quelque part aussi parce que pour se retrouver comme souffre-douleur de quelqu'un à quelque part, soit t'as pas nécessairement une grosse estime de soi pour aller vraiment juste faire plaisir à quelqu'un d'autre puis pas être capable de vraiment prendre ou très rarement prendre un stand puis s'exprimer sur ce qui ne fait pas plaisir, tu sais. Mais ce personnage-là, j'aurais vraiment aimé qu'il développe un petit peu plus puis qu'on le voit vraiment se mettre quasiment glimpi vraiment à dos. Dire non, ça me tente plus de faire ce que tu me demandes, puis je sais même pas pourquoi tu me demandes de faire ça, puis tu m'expliques jamais rien. T'sais? Je pense que dans saison 1, ça arrive à m'emmener, si je m'en rappelle. Je sais pas si Il tu peux va à me l'hôpital. confirmer. Oui, c'est ça, à un moment donné, il est à l'hôpital, puis Gimpy, il est rendu totalement comme. Mon petit gum, qu'est-ce qui arrive? Puis il part à broyer à rien, puis il est pas capable de rien faire, là. Il reste poigné dans sa chambre, Il va jusqu'à oublier. Tu sais, en fait, un des gars, c'est, il regarde l'écran. Ah, oh, Bob, pourquoi je t'ai fait cela? Et ça, la seconde après, Bob, vide mon cabaret! Ah, oh, putain, c'est vrai. Il vient de se rendre compte que il est à l'hôpital. C'est Il est ça. complètement dépendant de ce petit gars-là, tu sais. Même s'il traite comme de la merde. Ah oui, totalement. C'est vraiment, pour lui, c'est le faire valoir. C'est le personnage qui va faire la sale job juste pour son ego, finalement. Ah, c'est Monaco, oui. On va lâcher un petit peu les personnages. On va aller directement. On va parler de l'animation, les dessins. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des dessins? Je vais aller avec Marilyn, qui a un côté plus graphiste de cette série-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Personnellement, je vais peut-être être plate, mais moi, c'est pas l'animation la plus originale que j'ai vue à Télétoon. J'ai vu beaucoup de séries. Surtout sur Télétoon, que je vois le même genre de dessin. T'sais, c'est pas nécessairement quelque chose de hyper original. Dans le fond, ce qui est le plus original, c'est l'histoire comme telle, mais pas nécessairement l'environnement, puis tout ça. On en a-tu vu des affaires dans les écoles? On a-tu déjà vu dans des affaires dans les universités? Il y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans, mais j'aime bien quand même le dessin, comment ça a été fait, tout ça. C'est juste pas super original, à mon humble avis. Toi, PL, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour aller un peu à l'autre à contresens de Marie, moi, je trouve les dessins très bien. Je trouve les dessins très bien. Je trouve l'animation même très, très bien. Tu sais, Underground, c'est justement le genre d'émission que tu écoutes pour rire un bon coup de d'une parodie de la vie étudiante. Ben, c'est justement Underground, c'est parfait pour ça. Alors, Underground offre une qualité d'animation qui va justement. À ce qu'il représente. Il n'y a pas besoin d'être plus, il n'y a pas besoin d'être moins. Ok. Moi, dans mon cas, je vous dirais, c'est la série que je trouve les dessins. Je rejoins un petit peu ton avis, antithèse, mais je rejoins également l'avis de Marilyn. Oui. Pour moi, c'est vraiment au milieu. C'est pas une animation qui est très belle, mais les dessins font la job qu'ils devraient faire. Mis à part les personnages qui sont un petit peu plus farfelus, je pense à la bouteille de whisky ou au personnage du juge Hamburger. Je pense qu'il aurait pu peut-être faire quelque chose de plus beau, beaucoup plus flyé, parce que vraiment, pour moi, ces personnages-là auraient dû vraiment dire totalement ça aurait dû être le contraire des personnages. Ça aurait dû être des bonhommes colorés, des dessins beaucoup plus beaux, mais au moins, le restant des autres dessins font la job. Après ça, on va parler du doublage. Doublage fait à Montréal Oui. par les mêmes personnes qui font la plupart des doublages des films puis des Simpsons. Vous en pensez quoi, vous autres, des voix québécoises? Je vais Marie. aller avec PL pour commencer. Ah. L'un va avec Marie, l'autre il va avec Ouais, mais moi. je fais vraiment varier pour que chacun se sente prêt, De toute mettons. façon, Marie, tu vas parler pareil, fait que nia. Moi, je m'en fous de l'ordre qu'on passait. Moi avec, je m'en fous. Alors, PL, ton avis, toi? OK. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir comparer l'animation anglophone à l'animation. En fait, l'animation anglophone à sa version francophone. Je dois dire que sa version francophone est quand même bien réussie. Je dois dire que la traduction. Pour des sons d'animation qui n'est pas forcément compliqué, qui n'utilise pas des mots très compliqués ou exubérants dans sa langue originale, mais sa traduction française ainsi que sa ainsi que comment quand les acteurs livrent la marchandise, quand je prétends ça ne vous dit je commence. Vous êtes toujours dans le paysage. Je vais en parler parce que là, j'ai le nez bouché. J'ai le nez T'es bouché. dans un terrain connu, finalement. Vous n'êtes pas des dépaysagés parce que vous avez vraiment l'impression que les voix sont conformes au personnage. Je peux même vous dire sur certains points qu'il y a des bouts en français que j'ai plus apprécié en français qu'en anglais. Parce Comme par exemple, t'as-tu un petit exemple? Facile, facile. Dans le premier épisode, c'est quand que. Finalement, Gimpy fait à croire qu'il y a une guerre entre les geeks puis les jocks. Si vous voulez, Gimpy puis comment il s'appelle? Rocco. Ouais. Ben, Gimpy envoie justement Mob avec et notre groupe de geeks pour envahir la fraternité. Alors, Gimpy arrive, il demande à Mob en anglais. What's your status? En français, Mob répond, I'm hungry! C'est un petit. Ça fait un petit pleur. Un petit pleur qui est un peu gossant. En français, c'est la même chose. Bob, quel est ton statut? Bob répond, ben sèquement, je meurs de faim. C'est quelque chose de plus sec, fait que c'est genre là. Quoi? C'est un ça marche, c'est la traduction a fait finalement que ça a changé le ton de la voix du personnage, mais ça a donné un gag beaucoup plus différent de la version anglophone. Mais c'est essentiellement la même chose. C'est tout est dans comment que la personne projette sa voix à travers le personnage. Oui, effectivement. Toi, Marilyn, qu'est-ce que tu penses des doublages? Moi, je trouve quand même bien. Je trouve que la plupart des voix représentent super bien les personnages. Je les ai d'ailleurs réécoutés très récemment ce soir en revenant de travailler. Gadon. Puis, ben oui, parce que ça me prenait ça à un moment donné dans ma journée. Puis, sérieusement, je trouve que c'est parfait pour les personnages. J'ai pas eu la chance, moi, de l'écouter en anglais. J'ai découvert en français grâce à Télétoon. Mais sérieusement, j'ai rien à redire. Je trouve ça super bien fait au niveau de à ce niveau-là. Bref, j'ai rien à dire de négatif. C'est super. Moi, j'ai eu la... Oui, vas-y, PL. La traduction francophone, pour un peu compléter ce que Marie et moi on a dit, ne cherche pas justement à se distinguer trop de la version originale, comme malheureusement nos cousins français ont la fâcheuse tendance de faire. Même pas juste sur les en animation, mais sur n'importe quoi. J'en ai un autre exemple. Je reviens à Big Bang Theory. OK, la version normale en anglais, je suis sûre que s'il aurait été traduit en québécois par des gens du Québec, je suis sûre que ça aurait pas donné des voix aussi merdiques que celles en France. Parce qu'il y a des voix, je prends l'exemple de la voix de Sheldon Cooper, qui sa voix normale est très grave, grave et normale d'homme, mais qu'elle tombe à être très, très aiguë en France. Ah, sacrément. C'est vraiment étrange, là. C'est vraiment trop Oui. étrange pour le personnage comme tel. Parce que ça ne fit pas du tout avec le personnage, enfin, selon moi, là. Mais c'est vrai que vraiment, la traduction était bien faite, bien passée de ce côté-là pour être vraiment collée avec la version originale également. Non, ça fait du sens. Moi, de mon avis, la série se distingue beaucoup plus en français. Tout d'abord parce que les quatre personnages principaux ne sont pas. La version anglophone est faite par une seule personne. Les Hein? voix. C'est le créateur de la série, Pete Williams, qui fait la voix Nit, de il fait la voix Nitz, de de Cal. Rocco, de Cal puis de Gimpy. C'est ça, il fait pas la voix de Rocco. Il fait la voix de Rocco. Il fait la voix de... T'es Il fait sûr? les quatre, oui. Puis tu peux le sentir dans sa voix. Il y a vraiment une petite teinte de voix dans chacun des différents personnages, mais c'est vraiment lui qui donne la voix aux quatre personnages. Tandis qu'au Québec, ben, on a vraiment quatre acteurs différents qui donnent la voix de chacun des personnages. Et je trouve que c'est là la différence, c'est que là, tu peux vraiment sentir que c'est pas la même personne qui fait les voix, finalement. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est excellent. Ça permet également de mieux s'identifier, je trouve, également avec une voix francophone québécoise, parce que les jokes sont plus attachés à nous, finalement, au Québec. Ouais. Ça donne vraiment une qualité beaucoup plus, mettons, la saveur provinciale en tant que telle. Ça paraît énormément, ça fait du très bon sens, ça donne des très bonnes jokes. Puis pour moi, vraiment, c'était très très bonne voix. Là, on. Les angoisses aussi, si on veut. Il y a les angoisses qui dans Underground et Tremblant sont plus. Serais-tu prêt à dire que les angoisses dans la clique sont plus reflétables, identifiables pour nous autres, les Québécois, slash Canadiens, que les Américains? C'était pour. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est juste que Alors... les jokes, la discussion, ben, je trouve que ça sonne un peu mieux. C'est juste Ah, ok, dans le sens, ok. ma opinion. Qu'est-ce qu'on pense de cette série-là, de la clique? Je vais commencer avec Marilyn parce qu'elle est prête. Le piton. Marilyn, qu'est-ce que Et tu pas penses seul. de la clique? Pour toi, c'est quoi cette série-là? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu la détestes? Est-ce que c'est une série que tu vas réécouter avec joie? Je te laisse y aller. Quand on m'a dit qu'on était pour faire le prochain podcast sur la clique, j'ai fait Oh oui! Ça résume pas mal, sauf que je ne vais pas me contenter que de dire de ça. Parce que la clique, ça a été un peu ma transition, je dirais, entre les bonhommes Télétoon de plus jeunes et les bonhommes que j'aime plus écouter présentement comme adulte. Ça a vraiment marqué une transition avec les Simpsons, mais que j'écoutais les Simpsons, j'écoutais ça depuis bien plus longtemps. Ça a marqué vraiment un changement dans mon univers. Puis, sérieusement, j'adore cette série-là. Dommage qu'il n'ait fait qu'une saison. Vraiment dommage. Mais, bon, c'est pas nous qui décidons quand les fonds sont donnés ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une série que je ne vais jamais, jamais me tanner d'écouter parce que les gags sont toujours d'actualité. Même quand je les écoute plus récemment, en 2012, les gags sont toujours d'actualité. C'est toujours aussi bon, je rigole autant, même si ça fait 1000 fois que je vois les épisodes. Donc, j'adore vraiment cette série-là. Si vous ne la connaissez pas encore, là, ben allez sur Télétoon, sur le site de Télétoon, allez les voir parce que sérieusement, ça vaut juste trop la peine. Ça, c'est mon opinion. Puis toi, PL, qu'est-ce que t'en penses? Pour faire suite à ce que Marie dit, moi je trouve ça là criminel. Je trouve ça là criminel qu'il n'y ait pas eu de suite parce qu'il y avait tellement matière à faire une suite sur Underground. Il y avait même, si on veut, quand je peux dire ça, il y a tout le monde. Que je dis tout le monde. Tous les personnages avaient tous de quoi. Qui faisait qu'on était intéressé à plus. Comme exemple, Nitz puis Jesse. Il y a un patch à la fin, comme Big Ben a dit un peu plus tôt. Ah, oh, shit, Kimmy s'est rendu compte qu'elle a trop été autour de son soi-disant amoureux qui est finalement gay. Et pour se rendre compte qu'il y avait toujours eu un Nitz Wall qui était amoureux d'elle. Mais dans ce triangle-là, ou ce carré en fait, il y avait également Jesse qui avait des sentiments pour Nitz. Alors oui, Jesse est parti frustré après Nitz, mais c'est parce qu'il y a combien de fois qu'on voit Jesse frustré après Nitz et ensuite il se réconcilie. Fait que c'est un élément qui a fait que. On voulait savoir où c'est que ça s'en irait. Même chose pour Rocco. Il était supposé de faire partie de la fraternité et finalement, ben, il en fait encore partie. Gimpy, il y a tellement de choses à faire avec Gimpy, juste par le fait qu'il est Gimpy, que venez pas me faire croire qu'il peut pas avoir de saison après ça. Non, parce que puis Cal, ben Cal, c'est toujours d'être du same old, same old. Sauf qu'en même temps, il y a une raison pourquoi qu'on se tanne pas de Cal. Le point est le suivant, c'est que Pete Williams voulait absolument faire une suite. MTV, avec un gros sourire et un gros cigare dans leur bouche, ils ont dit: Ben non, t'auras pas de suite. Vous voyez une certaine. Non, t'auras pas de suite. Parce que c'est le temps de te faire chier. Puis comme c'est pas une série originale de MTV, ben tu manges la merde. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui arrive, ce que les gens doivent savoir, c'est que. Vous tu sais que c'est parti underground. C'est parti du fait que Pete Williams. A gagné un concours pour travailler, pour produire sa propre série d'animation chez MTV. Fallait se mettre un synopsis, un scénario en plus, pas juste un synopsis, mais un scénario. Et MTV disait: Ah, ben si on aime ça, ce concours-là, pas ce concours-là, mais cette entrée-là, ben on va prendre la personne puis on va faire son animation. Alors, ça me crève le cœur. Underground, c'est quelque chose que je vais sûrement écouter encore 10 ans dans le futur. Mais personnellement, Underground me crève le cœur. Parce que j'aurais tellement voulu avoir une suite. Il y a eu des rumeurs sur une suite pendant Dieu sait combien de temps. Il y avait même des idées sur comment faire la suite. Des trucs du genre que finalement, ben, Jesse et Nils sont ensemble, mais il arrive telle péripétie qui inclut de toute façon Kimmy au final. Il y aurait finalement que, ah, oh, ben, on se rend compte que Rocco et Cal sont amoureux, ce qui est hyper farfelu, mais ça c'est quand même trop intéressant. Mais est-ce qu'il aurait pu aller dans cette direction? Je ne sais pas. Et il y avait même des trucs du genre que Gimpy aurait élargi son geekness face à Star Wars, mais de manière comique, au point tel où c'est qu'il se joindrait supposément, apparemment, un vrai culte de Star Wars. Ok. Il y a eu plein d'idées de shooter par les fans sur Internet et même des petits de ce qu'on peut estimer qui sont des créateurs, mais rien n'est débloqué parce que, encore une fois, MTV s'est dit, bon, ben, c'est pas les chiffres auxquels on s'attendait, fait que Pete Williams, tu manges de la marde. Alors, ben écoutez, moi je vais aller de mon côté, je vais dire ce que j'en pense et je vais terminer également avec une note de Trito que j'ai reçue par rapport à la série. Alors, pour ce qui est de moi, la série est une de mes préférées, comme vous l'avez vu. C'est ma première série que j'aime de Télétoon. C'est une Et avec raison. Et avec raison. Même les gens m'ont dit, t'as oublié Simpson dans ton top 10? Oui, j'avoue, j'ai oublié Simpson. J'aurais dû la rajouter, mais probablement que Simpson aurait été en deuxième ou troisième place. Parce que pour moi, Undergrad, ça a été une série qui a tellement été marquante. C'est une série que j'ai aimée, que j'aime réécouter, que j'aime en jaser avec vous autres, les accros, en jaser avec la gang, parce que c'est une série qui est magique. C'est une série qui parle de jeunesse, oui, de difficultés à faire une transition dans sa vie, mais que tant aussi longtemps que tu es proche de tes amis, que tu fais confiance en tes amis, que tu jases avec eux autres, que tu passes du temps, tout va bien aller. C'est la leçon à apprendre de cette série-là. Et Belle leçon. c'est une très belle leçon, c'est pourquoi j'adore cette série-là. Et c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir pour notre deuxième épisode du podcast des accros de l'anime. Avant toute chose, avant de finir, j'ai tenté de contacter Pete Williams pour avoir son opinion, pour pouvoir discuter avec. J'ai pas eu la chance. Si je reçois des nouvelles de lui, je vais essayer probablement de faire un mini podcast à quelque part pour discuter avec. Mais des gens de chez Télétoon m'ont écrit, nous, pour aborder la fin de la production de la série et vraiment de mettre les points sur pourquoi que la série revient pas, pourquoi qu'il n'y a pas une deuxième saison. Alors, je vais le dire textuellement. Qu'est-ce que notre chère Marie-Hélène, la porte-parole de Télétoon, nous dit? Vous allez certainement aborder la fin de la production de la série, un sujet qui est, après tant d'années, encore discuté avec beaucoup de passion de la part des fans. Il faut Ben savoir voilà. qu'il y a eu une mésentente entre les créateurs et les producteurs, qui sont MTV et Télétoon. De cette mésentente est né un problème de financement. Malgré différentes tentatives pour ramener la série autant de notre côté que de la part de William, qui est le créateur, il a été impossible de produire une nouvelle saison. Il ne s'agit pas seulement d'une décision qui a été prise par Télétoon. Marie-Hélène a dit comme quoi elle connaît pas tous les détails de l'histoire parce que veut pas, ça date quand même de 2002, 2003, 2004. Donc, puis l'histoire est rendue un peu vieille, puis c'est comprenable également. Mais elle fait dire qu'elle reçoit régulièrement beaucoup de courriels de la part des fans qui aimeraient ramener une nouvelle série et que ben, pour le moment, ça marche pas. Parce que c'est hors de son contrôle. Puis on peut comprendre Oui. totalement parce que, écoutez, il faut avoir la volonté, puis il faut avoir du financement. Puis Télétoon, en ce moment, ose avec une ou deux séries qui financent eux-mêmes, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas. Faut s'entendre que Télétoon Québec, qui s'occupe du francophone, n'a pas les reins solides pour pouvoir prendre une série à elle tout seule, puis de réussir à la vendre. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas une deuxième série. Cependant, si vous aimez la série, continuez d'envoyer des courriels à Télétoon et dites-leur comme quoi que vous voulez que la série reste sur Télétoon. Parce que, à cette heure, les heures de diffusion sont le samedi à 2h30 du matin. C'est une heure qui est très tardive est très difficile pour les accros, pour la plupart des gens et les accros de la suivre. Vous pouvez aller les regarder gratuitement sur le site de Télétoon, cependant. C'est ce que nous, on a tous fait. On est allé voir sur le site de Télétoon. Cliquez Télétoon, la clique, ça va vous amener à la page de la clique. Vous pouvez écouter les 13 épisodes de la série. C'est le meilleur moyen de l'écouter en français. Ça vaut vraiment la peine d'aller les suivre. Puis, si vous voulez que la clique reste à Télétoon, envoyez des courriels, les accros, envoyez des courriels à Télétoon, dire comme quoi on aimerait ça que la série reste, une nouvelle case horaire peut-être. Ou bien qu'il passe peut-être à Télétoon Rétro. Ce serait peut-être une possibilité qui serait intéressante. Alors, c'était notre discussion sur la clique. J'espère que vous avez apprécié cette série-là. Autant que nous, on a apprécié. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Parce que pour nous, on a eu énormément de plaisir à la faire pour vous, les accros. Oh oui. On a eu extrêmement de fun. Et revenez nous voir le mois prochain. On va parler d'un film qui. Un film de Disney cette fois-ci. Oui, un film de Disney que j'aime beaucoup. Un film qui est un peu moins connu parce qu'il a quand même passé rapidement ses radars sans pour autant avoir une popularité qu'il aurait dû avoir. On va parler du film de Volt. Un film qui est fait par les studios Disney, mettant en vedette ton fameux personnage, ton fameux créateur. Il y a deux comédiens, entre autres québécois, qui se distinguent dans ce film-là, qui prêtent leur voix. Il y a Claude Legault, qui fait le rôle principal du chien Vold, et il y a Guy Jodoin, qui fait un de ses acolytes, donc qui va l'aider dans son aventure. Étrangement, moi j'ai pensé que c'était Guy Jodoin qui faisait la voix de Volt. Je suis poche. C'est le contraire, donc Je ça veut suis dire qu'ils sont très... poche. Mais sérieusement, c'est un petit bijou de Disney qui est trop peu connu, mais qu'il faut vraiment découvrir, sérieusement. J'en dis pas plus. On va se revoir dans un mois pour en parler plus en détail. Oui, puis si vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire sur le courriel Les Accros des Jeux. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à Accros des Jeux, Accros des Jeux au pluriel pour essayer de nous contacter. Marie-Lune, comment qu'on te contacte sur les internets? Il y a beaucoup de façons. Si vous êtes plus girly, vous allez voir ma chaîne Vlog de Marie sur YouTube. Concernant Vlog de Marie, il y a aussi une page Facebook qui existe. Vous pouvez me voir également sur ma page Facebook personnelle, mais je ne vous garantis pas que je vais vous ajouter automatiquement. Vous pouvez également me contacter si vous êtes plus geek sur ma chaîne Création ML sur YouTube, sur le site accrodesjeux.com, sur le forum des accros. Me laisser des commentaires en dessous de mes vidéos ou sur le forum, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Et c'est pas mal ça. Ah oh oui, sur Twitter aussi, avec Terrien Marie-Ève. Ça va pour les deux chaînes également. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Antithèse, comment qu'on peut te contacter sur les internets? Antithèse at commercial yahoo.ca, antithèse à commercial gmail.com, sur Twitter, avec plaisir, antithèse 16, donc je répète, at antithèse 16. Sinon, je viens tous les jours checker pardon, le forum des accros, alors que ce soit message personnel ou message dans le forum de discussion, eh bien moi, je suis toujours là. Alors, moi, vous pouvez me contacter sur le courriel accrodesjeux@commercialdumail.com. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à accrodesjeux. Vous pouvez également me rejoindre sur le forum des accrodesjeux à Big Ben. C'est mon surnom sur le forum. Pour ce qui est des invitations Facebook, je ne les refuse. Je n'accepte pas personne que je connais. Ah non. J'accepte seulement les gens que je connais. Et sinon, si vous allez sur la page Facebook des Accros des Jeux, ben je suis normalement celui qui répond le plus avec notre ami Giger, qui poste ses fameuses vidéos et photos comiques du monde de la geekness. Alors, Excellent. c'était le podcast des accros de l'anime. C'était le Big Ben. Antithèse. Marilyn. Pour le podcast des accros de l'anime, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine.